Bonsoir, bonsoir, c'est Progapart, l'émission du rock progressif. Une émission très spéciale que j'ai intitulée From Peter to Peter, including Fish and Jeff. On va partir de Peter Gabriel, donc de Genesis, on va aller jusqu'à Peter Nichols d'IQ, on passera par Marillion avec Fish, et tout ceci en hommage à mon ami Jeff qui nous a quitté ces jours. Jeff était, en plus d'être animateur de Chapel of Ghouls, émission qui a été en 2002 consacrée meilleure émission métal de France, c'est dire, il avait au compteur pratiquement 600 émissions, vous voyez un petit peu le travail du bonhomme. Eh bien, Jeff était également un grand amateur de progressif, façon Marillion, époque Peter, Gabriel, façon, époque Fish, de Genesis avec époque Peter Gabriel, et ainsi que IQ, l'époque Peter Nichols. Donc, d'où l'idée de vous faire un spécial révision des grands messieurs, et ce sera un hommage à un grand monsieur. On démarre tout de suite, préparez-vous, il y a que du beau ce soir, on démarre tout de suite avec Trespass, on va avancer petit à petit dans le temps, réviser les fondamentaux du progressif, en tout cas symphonique. Et comme le dit mon ami Jean-Claude Grangeon, quand j'en ai marre du progressif, écoutez tout ce qui sort, je me remets un bon vieux Genesis, un bon vieux Marillion, et si effectivement j'ai encore les poils qui se dressent, c'est que j'aime toujours le progressif. Mais écoutez, ça a été mon cas et je l'espère pour vous. Tout de suite, Trespass 1970 et White Mountain. 1970, Trespass, premier album de Genesis, véritable album, puisqu'il y a eu From Genesis to Revelation juste avant, mais c'est véritablement le premier chapitre qui compte dans l'histoire du progressif façon Genesis. Déjà, tout est là, tout est présent, les comptines, la voix de Peter Gabriel, le mélange folk et musique symphonique et progressive. Et rock, bien sûr, ce côté un petit peu Nursery Crime. Et on va y venir en 71. Même si Steve Hackett, même si Phil Collins ne sont pas encore à bord, c'est déjà, on sent déjà le style de Genesis. Nursery Crime, j'en parlais, et bien voici, le voilà en 71. Et je vous propose, une fois de plus, encore des morceaux peut-être un peu moins connus, mais qui, à mon avis, ont aussi énormément de cachet. Je vous propose donc Seven Stones. Thank you. man clutching money in his hand. With a shrug, the old man smiled, took the money, left the farmer wild, and the change is of no consequence. We'll pick up the reins from nowhere. Des comptines au vitriol, je disais, Nursery Crime. Des comptines où l'on voit l'apparition de Steve Aguette à la guitare et de Phil Collins à la batterie et aussi aux backing vocals, écoutez bien, on l'entend. Où l'on entend à l'instant, on vient de le voir, notre ami Tony Banks au clavier qui se lâche dans un solo de mélotron digne de King Crimson. Faut rappeler que In the Court of the King Crimson est sorti en 69, donc on n'est plus très loin. On est également en pleine période de floraison Moody Blues. Yes n'a pas encore vraiment percé, donc on voit vraiment comment ce groupe, ce petit groupe d'étudiants est vraiment prometteur et plein de talent et d'innovation. De Nursery Crime, on passe en 72 à Foxtrot, et là c'est carrément l'éblouissement, un album qui a marqué la carrière du groupe, qui a marqué tout un chacun, notamment avec Supper's Ready, mais je ne vous la passerai pas. Non, je ne vous passerai pas Supper's Ready, mais un morceau encore une fois pas trop connu, Can Utility, tout de suite, Foxtrot de 72. Scattered pages of a book by the sea, held by the sand, washed by the waves. A shadow forms, cast by a cloud, skimming by as eyes of the past. But the rising tide absorbs them, effortlessly playing. They told of one who tired of all, singing brazen, brazen. We heed not flatterers, he cried, by our command. Waters retreat, show my power, halt at my feet. But the cause was lost, now cold winds blow. The north, overcast, lines advance, fear of the storm, accusing with rage and scorn. The waves surround the sinking throne, singing cries. Hopes they dashed with offerings a été dit sur Selling England by the Pound de 73. Même l'anecdote, puisque c'était le slogan du Parti travailliste, tout a été dit que effectivement le groupe faisait un grand pas encore en avant, notamment au niveau de l'instrumentation, que le groupe justement avait voulu marquer un nouveau chapitre, un nouvel épisode de leur carrière en changeant d'illustrateur. On quitte Mr. Whitehead, que j'ai eu l'honneur de rencontrer à Prog Sud, pour passer à des pochettes un peu plus poétiques et peut-être moins oniriques.

choses mélodiques du côté de la New Wave, et il y a eu des choses sympathiques hein, quand même, hein, il faut le noter. Jusqu'au jour où en 83, après un maxi 45 tours, on appelait ça comme ça à l'époque, Market Square Heroes, apparaît un curieux groupe du nom de Marillion. Marillion avec un premier album, Script from Jester Tears. C'est avec cet album que j'ai rencontré un petit bonhomme à la FNAC qui parlait avec une grosse voix et qui disait « Oh, quel bonheur !» En écoutant Marillion, il a été un des collectionneurs les plus importants de la planète. Il avait une collection absolument délirante. Et c'est comme ça qu'on a fait amitié. Donc Jeff te propose tout de suite « Script from a Jester's Tear ». Le morceau qui est passé vendredi d'ailleurs, Chelsea Monday, c'est une petite histoire d'une caissière de prise unique qui un jour espère devenir star. Chelsea Monday. Thank you. superbe pochette bourrée de symboles. On retrouve l'esprit de Genesis également dans la voix. Là, effectivement, Peter n'est pas très loin. Petit à petit, Fish va s'en éloigner. Mais là, l'influence est évidente. On retrouve des scénettes, des historiettes comme dans Genesis. Ce côté Nursery Crime, c'est effectivement l'album du retour du progressif. On appelait ça le néo-prog, puisque vont également s'engouffrer les Pendragon, Twelfth Night, Palace et autres. Mais ceci est une autre histoire. Alors vous allez me dire, comment l'ami Jeff a pu arriver à aimer Marillion alors qu'il aimait les musiques extrêmes, y compris Black Sabbath? Comment il a pu aimer? Bah, tout simplement, rappelez-vous, ceux qui ont vécu cette période, que Marillion a été soutenu, supporté, comme on dit maintenant, par le milieu métal. Et voilà, donc ceci explique cela. 1984, c'est Fugazi, le ton se durcit, Mick Pointer cède la place à Ian Mosley à la batterie. Et je vous propose Fugazi, un morceau superbe aussi, qui est un plaidoyer pour la paix, la tolérance. Tout de suite, Fugazi. Vous ne vous rendez pas compte que ce monde est devenu complètement fugazi, gaga, il marche sur la tête. C'est ce que chante Fish en 84. Ah, Misplaced Childhood 85, j'aurais plein de choses à dire. Pour moi, le meilleur album de Marillion, toute période confondue, avec quand même en ex-aequo Brave. Allez, voilà les deux meilleurs albums à mon humble avis. Première chose, deuxième chose, c'est l'album du premier 45 tours de Marillion qui frappe à la porte des charts avec Kaylee. Une anecdote rigolote d'ailleurs de Fish qui dit que 20 ans plus tard, il a rencontré des fans qui lui ont présenté des filles. Il dit voilà, bah, je te présente ma fille, elle s'appelle Kaylee. Elle a 20 ans, 18, 19, 20 ans. Ça lui a fait très bizarre l'ami Fish. C'était un prénom quand même à l'époque qui était très très peu usité. Autre chose pour nous Lyonnais, et ça, il y en a très peu qui le savent, The Sky Was Bible Black in Lyon When I Met Madeleine. J'entends ton cœur, et oui, l'ami Fish s'était égaré à Lyon par une nuit et un ciel couleur de suie, Bible Black, sans espoir, Bible noire. Et il a rencontré une prostituée qui s'appelait Madeleine, qui l'a emmenée toute tremblante dans sa chambre. Et on imagine la suite. Et I can hear your heart, j'entends ton cœur. Eh bien, voilà, pour nous Lyonnais, c'est quand même un petit clin d'œil bien sympathique. Eh bien, je vous propose de l'écouter. Kelly, suivi de Lavender, ça date de 85. seem to be a song for you, the one I wanted to write for you, for you, you. Lavender's blue, dilly dilly lavender's green. Then I am king, dilly dilly you will be queen. A penny for your thoughts, my dear. A penny for your thoughts, my dear. Are you due for your love? Mother called her beautiful. getting late for scribbling and scratching on the paper. Something's gonna give under this pressure, and the cracks are already beginning to show. It's too late. Exprime tout simplement l'alcoolisme, les gens qui sont accros à la bibine. Et c'est bien le thème de cet album superbe et qui va être le chant du cygne de l'époque Fish. Tout de suite, White Russians. Where do we go from here? Where do Jeff, donc gros fan de Fish et de Marillion en général. Nous étions allés ensemble à un concert de Fish à l'époque où il avait démarré sa carrière solo. Et à un moment, il s'était approché de la scène, c'était au Transborder. Il avait la bière à la main et il a tendu la bière à Fish, qu'il acceptait bien volontiers et qu'il appelait pendant tout le long du concert, deux ou trois fois, il l'appelait « Man with the beer ». Mon ami Jeff, on était tout fiers. Voilà une petite anecdote sympathique. À un moment où justement Marillion prenait une autre direction, qui est intéressante aussi, hein, pareil pour la direction prise par Genesis époque Phil Collins, en tout cas les débuts, eh bien à un moment Jeff me dit « mais il n'y a plus grand-chose à se mettre sous la dent ». Je lui dis « tiens, est-ce que tu connais ce groupe anglais qui a démarré un peu en même temps que Marillion, donc étiqué néo-prog, qui est aussi assez proche de Genesis, avec notamment une voix très gabrielle ?» Et le monsieur, le chanteur, s'appelle Peter, lui aussi, Peter Nichols. Il me dit qu'il c'est IQ. Ah, tu m'intéresses. Et on a démarré ensemble aussi une passion pour ce groupe britannique IQ, qui est toujours vivant et qui produit une toujours d'excellents albums. J'en ai sélectionné 7, vous voyez, donc il y a de quoi se mettre sous la dent. On démarre tout de suite avec leur tout premier, Tales from the Lush Attic. Ça date de 83, IQ. Ces comptines au vitriol exprimant l'angoisse existentielle, elles manquent pas de saveur, même si ça manque un petit peu de moyens. On sent que le groupe n'a pas eu les moyens de Marillion, mais on sent le talent qui va bientôt exploser. IQ, Tales from the Lush Attic, ça date de 83, l'année de naissance de mon fils. Ferme la parenthèse. The Wake sort en 85 et là c'est la révélation, en tout cas pour le public prog qui découvre ce groupe un peu sorti de nulle part. Je vous propose un titre qui est un titre bonus, histoire de faire pas comme tout le monde. Je l'aime beaucoup en plus de d'abord parce qu'il a un titre français dans le parc du Château Noir et puis tout simplement parce que je le trouve vraiment superbe. Donc c'est un bonus track dans ce splendide album The Wake. le jour où commence notre récit, tout n'est que paix et silence dans le courageux petit village gaulois. Docker ! Sol, 100.7. Après The Wake, petit problème à l'intérieur de la formation d'IQ, Peter Nichols claque la porte et s'en va. Il s'en va pour faire une autre carrière et donc est remplacé par un autre chanteur à la voix un petit peu plus douce dont le nom m'échappe, j'ai pas porté les CD ici. En tout cas, deux albums sortent qui sont intéressants mais qui n'ont pas le cachet de l'époque Peter Nichols. Et coucou le revoilou, le Peter, le voici, le voilou, en 1993 avec une bombe Ever. Et ça, je me souviens, Jeff avait littéralement craqué, m'a dit mais Peter, quel bonheur. Et oui, c'est effectivement une bombe. Et je vous propose le morceau numéro 5, Leap of Faith Ever. Ma chérie, ils sont complètement fous maintenant, ces jeunes. On le voit, le groupe a mûri, mais surtout le groupe a enfin des moyens de s'exprimer. Une superbe production, une couverture absolument géniale, signée de Peter Nichols. Enfin, le groupe peut exprimer tout ce qu'il a en lui. Après cette bombe, on se dit, bon, ils vont peut-être un petit peu se reposer sur leur laurier. Raté, ils vont nous sortir carrément leur Lives Down on Broadway, leur L'Homme Lives Down on Broadway, avec ce double de Subterranea en 97. Et ça, alors, c'est carrément l'apothéose. Deux morceaux enchaînés, Subterranea 1997, Somewhere in Time et High Waters. Makes up his mind, sets out. gamma ray. Each one anonymously filed in every kind of every way, and every mother's only child, and all the time identified. It's hard to take it in at all. There must be many more besides those to watch us while we're sleeping. So many here, so many held, aligned and cataloged for good, and punching in and punching out, the empty voices keep repeating. Provided for parce que sinon on serait là encore demain. Premier, Genesis, Selling England by the Pound, ça ne nous étonne pas. Deuxième, Pink Floyd, Wish You Were Here, ça ne nous étonne pas. Troisième, Pink Floyd, Dark Side of the Moon. 4, Yes, Close to the Edge. 5, Marillion Misplays Childhood. 6, Marillion Script for a Jester Tear. 7, Dream Theater Images and Words. 8, IQ Subterranea, tiens, tiens. 9, Pink Floyd The Wall. Et on termine 10, Genesis The Lamb Lies Down on Broadway. Nos amis d'IQ se reposent un petit peu, 3 ans, et ils sortent la 7e maison en l'an 2000, The Seventh House, et c'est ma foi du très très bon tonneau lui aussi. Tout de suite, je vous propose Guiding Light. To understand, we build on. Where did Un petit mélotron bien genesisien vers la fin, le serpent qui se mord la queue. 2009, c'est la sortie du dernier album en date d'IQ Frequency et c'est aussi une merveille. Je me souviens, c'était une des dernières fois où j'ai vu Jeff. Il m'avait dit, tu tombais par hasard sur un album d'IQ. Enfin, j'ai pas reconnu tout de suite. Frequency, oh, quel régal! Eh bien, Jeff, voilà, un dernier petit clin d'œil pour toi. Frequency 2009. J'ai malheureusement pas eu le temps de te prêter l'album, mais je crois savoir que t'avais pu quand même. T'avais eu le temps de l'apprécier. Frequency. If I didn't lose control, but I was a

Magnifique hymne à l'amour, à la tolérance, à la paix. Et si tu crois un jour que tu n'en peux plus, si la douleur t'étreint, prends exemple sur le charpentier, pardonne et aime encore. Love Song écrit par Jay Hoffman, le révérend et la référence. Jay Hoffman, premier chanteur de 12th Night, à la fin d'un album très noir mais superbe qui s'appelle Fact and Fiction. Les membres du groupe lui avaient dit, Jay Hoff, faudrait que tu nous fasses une petite note d'espoir à la fin. D'où ce Love Song qui sera interprété par Andy Sears, le bonhomme, le petit lutin qui a pris la suite dans 12th Night. Avant de passer le dernier morceau, je voulais vous signaler qu'Acid Dragon, qui est sorti, ça vous le savez maintenant, il est disponible dans une petite librairie musicale bien sympathique, je vous recommande chaudement, qui s'intitule Musique à l'âme. Ça se trouve rue Pizet, c'est dans le premier arrondissement au métro Terreau. Et donc vous trouverez tout un rayon de livres sur le rock et notamment progressif, ainsi que Acid Dragon, le dernier numéro avec notamment un dossier sur Dream Theater, coucou Olivier, et un dossier sur le rock progressif lyonnais. Voilà, on ne pouvait pas se quitter sans un morceau de Pendragon, puisqu'ils sont chez nous, donc au Dinkasi, lundi prochain, le 25, et on ne pouvait pas se quitter sans un morceau écrit par Nick Barrett en hommage à l'amitié, puisque finalement cette émission, elle était dédiée à mon ami Jeff. Tout de suite, The Edge of the World, ça vient de Believe, ça date de 2005, Pendragon. I should know that by now. going. I don't know what it means. And I know I'll find some peace of mind, and I will always be back someday. And as I travel the far points of the earth, I will keep you